Thank you. sale crew. Moi je fais du hip, et puis du hop dans les oreilles, du poum, chakalaka, poum poum dans mes tympans, du son qui surplombe, du son qui réveille, du punk, du funk, du reggae, du son qui détruit. Appuie sur le play, pète comme si tout bouge la tête comme un pied, le poing sur un dossier de haut bas, sans haut, de haut en bas, les chutes en bas, les coups, dans le son de la chute en bas, dans le son de la chute en bas. Thank you. Thank you.